إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، toujours dans la traduction, la lecture du livre تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. sommes toujours dans la semaine dernière on avait entamé l'exégèse de Sourate Al-Waqi'ah, traduit par Sourate l'événement, et on s'était arrêté à l'explication du verset 57. On s'était arrêté à la parole d'Allah Azza wa Jal. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqoon. C'est nous qui vous avons créé, pourquoi ne croiriez-vous donc pas à cela, ou à la, c'est-à-dire à la résurrection. ثم قال الله تعالى أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. Donc Allah Azza wa Jal dit dans les versets 58 à 62 de Sourate Al-Waqi'ah, Sourate l'événement. Voyez-vous donc ce que vous éjaculez. Est-ce vous qui le créez ou en sommes-nous le créateur? Nous avons prédéterminé la mort parmi vous. Nous ne serons point empêchés de vous remplacer par vos semblables et vous faire renaître dans un état que vous ne savez pas. Si vous avez connu la première création, ne vous rappelez-vous donc pas? قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى أي أفرأيتم ابتداء خلقتكم من المني الذي تمنون فهل أنتم خالقون ذلك المني وما ينشأ منه أم الله تعالى الخالق الذي خلق فيكم من الشهوة وآلاتها من الذكر والأنثى وهدى كلا منهما لما هنالك وحبب بين الزوجين وجعل بينهما من المودة والرحمة ما هو سبب للتناسل ولهذا أحالهم الله تعالى على الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى فقال ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أن القادر على ابتداء خلقكم قادر على إعادتكم. Donc il dit rahimahullah en expliquant ces versets 58 à 62 de sourate Al-Waqi'ah. Ne voyez-vous donc pas le début de votre création qui a débuté par du sperme que vous éjaculez? Est-ce vous qui avez créé ce sperme et ce qui est produit par la suite, ou bien Allah Azza wa Jal est-ce lui le créateur, lui qui a créé en vous le désir et qui a créé en vous les organes qui produisent ce désir, que ce soit chez les hommes et chez les femmes, ou est-ce Allah qui a créé l'amour entre les époux et qui a fait en sorte qu'il y ait entre eux de la tendresse, de la gentillesse, de la douceur et de la miséricorde qui sont toutes des causes de la progéniture. Car de tout cela découle le rapport entre l'homme et son épouse, et ceci fait en sorte qu'il y ait une progéniture en résultat de cela. C'est pour cela qu'Allah Azzawajal fait référer les êtres humains et utilise comme preuve la première création pour prouver la seconde. Allah Azzawajal prend pour preuve la première création pour prouver la seconde, à savoir la résurrection. Pour cela qu'Allah Azzawajal dit وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. Vous avez connu la première création, ne vous rappelez-vous donc pas? Ne vous rappelez-vous donc pas que celui qui a la possibilité et le pouvoir de vous faire exister est tout à fait capable, subhanahu wa ta'ala, de vous faire revivre. Thumma qala ta'ala أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ. Donc Allah Azza wa Jal dit dans les versets 63 à 67 de Sourate Al-Waqi'ah, l'événement. Voyez-vous donc ce que vous labourez? Est-ce vous qui le cultivez ou en sommes-nous le cultivateur? Si nous voulions, nous le réduirions en débris et vous ne cesseriez pas de vous étonner et de dire « nous voilà endettés » ou plutôt « nous voilà privés ». قال الشيخ السعدي رحمه الله وهذا امتنان منه على عباده يدعوهم به إلى توحيده وعبادته والإنابة إليه حيث أنعم عليهم بما يسره لهم من الحرث للزروع والثمار فتخرج من ذلك من الأقوات والأرزاق والفواكه ما هو من ضروراتهم وحاجاتهم ومصالحهم التي لا يقدرون أن يحصوها فضلا عن شكرها وأداء حقها فقررهم بمنته فقال أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أي أأنتم أخرجتموه نباتا من الأرض أم أنتم الذين نميتموه أم أنتم الذين أخرجتم سنبله وثمره حتى صار حبا حصيدا وثمرا نضيجا أم الله الذي انفرد بذلك وحده وأنعم به عليكم وأنتم غاية ما تفعلون أن تحرثوا الأرض وتشقوها وتلقوا فيها البذر أو البذر ثم بعد ذلك لا علم عندكم بما يكون بعد ذلك ولا قدرة لكم على أكثر من ذلك ومع ذلك فنبههم على أن ذلك الحرث معرض للأخطار لولا حفظ الله وإبقاؤه لكم بلغة ومتاعا إلى حين فقال لو نشاء لجعلناه أي الزرع المرحوث وما فيه من الثمار حطاما أي فتاتا متحطما لا نفع فيه ولا رزق فظلتم أي فصرتم بسبب جعله حطاما بعد أن تعبتم فيه وأنفقتم النفقات الكثيرة تفكهون أي تندمون وتحسرون على ما أصابكم ويزول بذلك فرحكم وسروركم وتفكهكم فتقولون إنا لمغرمون أي إنا قد نقصنا وأصابتنا مصيبة اجتاحتنا ثم تعرفون بعد ذلك من أين أتيتم وبأي سبب دهيتم فتقولون بل نحن محرومون فاحمدوا الله تعالى حيث زرعه الله لكم ثم أبقاه وكمله لكم ولم يرسل عليه من الآفات ما به تحرمون نفعه وخيره. الجي رحمه الله تعالى en expliquant ces versets 63 à 68 de Sourate Al-Waqi'ah. Et ceci est un bienfait de sa part, subhanahu wa ta'ala, envers ses serviteurs. Il les appelle, à travers ses bienfaits, à l'adorer seul, subhanahu wa ta'ala, et à revenir vers lui repentant. Ceci, car Allah, subhanahu wa ta'ala, a comblé ses serviteurs en leur facilitant le fait de labourer les cultures et les fruits. Et sort de ces champs leur nourriture principale, leur pourvoyance et leurs fruits, ces derniers qui font partie de leurs nécessités, ces derniers qui font partie de leurs besoins et tout ceci dans leur intérêt. Des bienfaits qu'ils ne peuvent énumérer et qui plus est, envers lesquels ils ne peuvent pas être reconnaissants comme il se doit. Allah subhanahu wa ta'ala fait donc reconnaître à ses serviteurs ses bienfaits sur lui subhanahu, en disant « A antum tazra'ounahu am nahnu zari'oun » Est-ce vous qui le cultivez ou en sommes-nous le cultivateur ? C'est-à-dire, est-ce vous qui avez fait sortir ces plantes de la terre, et est-ce vous qui les avez fait pousser? Est-ce vous qui avez fait sortir les épis jusqu'à ce que les grains puissent être moissonnés et que les fruits atteignent leur maturité? Ou bien est-ce Allah subhanahu wa ta'ala le seul qui a la possibilité de faire cela? Et ainsi c'est un bienfait d'Allah azza wa jal sur vous. Quant à vous, la seule chose que vous faites, c'est de labourer la terre, de creuser et d'y jeter les semences. Puis après cela, vous n'avez plus de science et vous ne savez pas ce qu'il va advenir par la suite. Et vous n'avez pas la possibilité de faire plus que cela. Vous n'avez pas la possibilité de faire plus que de labourer, de trouver la terre et d'y jeter les semences et les graines. Puis Allah Azza wa Jal alerte en disant que ces cultures sont exposées à des dangers. Si ce n'était la protection d'Allah, et si ce n'était le fait qu'Allah Azza wa Jal veuille que ces cultures arrivent et atteignent à maturité et qu'elles soient pour vous une nourriture nécessaire dont vous jouisserez un certain temps. Il dit Azza wa Jal, لو نشاء لجعلناه. Si nous voulions, nous le réduirons. C'est-à-dire cette terre cultivée et tout ce qu'elle contient comme fruit. لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا. Si nous voulions, nous réduirions cette terre en débris, c'est-à-dire en débris éparpillés qui ne vous seraient d'aucune utilité et dont vous ne pourriez profiter de quelconque pourvoyance. فَظَلْتُمْ. Et ainsi, vous seriez, parce que ce champ aurait été réduit en débris, après avoir dépensé de vos énergies, après avoir dépensé de vos biens pour entretenir, pour labourer, pour semer, etc., فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ. Vous resteriez étonnés. C'est-à-dire, vous seriez pris de regret et de remords sur ce qui vous frappe. Et votre joie, votre bonheur se dissiperont alors et vous direz « Inna la mughramoun » « Nous voilà endettés ». C'est-à-dire que nous avons connu des pertes et nous avons été frappés par une catastrophe qui nous a anéantis. Par la suite, vous saurez alors d'où vous venez et pour quelle raison ce malheur vous a frappé et vous direz « Nous voilà privés ». Inna bal nahnu mahrumun. Puis, Cheikh Saadi rahimahullah dit « Remerciez donc Allah Azza wa Jal lorsqu'il a cultivé pour vous et lorsqu'il a fait en sorte que ces cultures restent et arrivent à leur maturité et remerciez Allah qu'il n'ait pas envoyé sur ces cultures des fléaux qui causeraient ainsi la perte de cela et ainsi vous ne sauriez en tirer quelconque profit. » ثم قال الله تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. Puis Allah عز وجل dit dans les versets 68 à 70 de sourate Al-Waqi'ah: Voyez-vous donc l'eau que vous buvez? Est-ce vous qui l'avez fait descendre du nuage ou en sommes-nous le descendeur? Si nous voulions, nous la rendrions salée. Pourquoi n'êtes-vous donc pas reconnaissant? قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى لما ذكر تعالى نعمته على عباده بالطعام ذكر نعمته عليهم بالشراب العذب الذي منه يشربون وأنهم لولا أن الله يسره وسهله لما كان لكم سبيل إليه وأنه الذي أنزله من المزن وهو السحاب والمطر ينزله الله تعالى فيكون منه الأنهار الجارية الأنهار الجارية على وجه الأرض وفي بطنها ويكون منه الغدران المتدفقة ومن نعمته أن جعله عذبا فراتا تسيغه النفوس ولو شاء لجعله ملحا أجاجا مكروها للنفوس لا ينتفع به فلولا تشكرون الله على ما أنعم به عليكم. Cheikh Saadi rahimahullah dit en expliquant ces versets 68 à 70. Après qu'Allah azawajal ait cité ses bienfaits envers ses serviteurs par la nourriture, Allah azawajal cite ici dans ces versets ses bienfaits sur eux par la boisson délicieuse qu'ils boivent et que si Allah Azzawajal n'avait pas facilité cela pour eux, ils n'auraient aucun moyen d'atteindre cette eau. Et que c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui fait descendre cette eau des nuages à travers la pluie. Allah Azzawajal fait descendre cette eau des nuages, puis cette eau devient rivière ruisselante à la surface de la terre comme au fond de la terre, comme à l'intérieur de celle-ci. Et également jaillissent de cette eau des mares et des étangs. Et parmi les bienfaits d'Allah Azzawajal est qu'il ait fait que cette eau soit douce et rafraîchissante. Une eau que les gens recherchent et apprécient. Et si Allah Azzawajal l'avait voulu, il aurait fait que cette eau soit salée et amère, une eau qui serait répugnée par les gens et dont ils ne pourraient tirer profit. فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ. Pourquoi n'êtes-vous donc pas reconnaissant envers Allah Azzawajal vis-à-vis des bienfaits dont il vous comble. ثم قال تعالى أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. Il dit عز وجل dans les versets 71 à 74 Sourate Al-Waqi'ah. Voyez-vous donc le feu que vous obtenez par frottement? Est-ce vous qui avez créé son arbre? Où en sommes-nous le Créateur? Nous en avons fait un rappel et un élément utile pour ceux qui en ont besoin. Glorifie le nom de ton Seigneur, l'immense. Qala Cheikh Sa'di rahimahullah. Wa hadhihi ni'matun. تدخل في الضروريات التي لا غنى للخلق عنها فإن الناس محتاجون إليها في كثير من أمورهم وحوائجهم فقررهم تعالى بالنار التي أوجدها في الأشجار وأن الخلق لا يقدرون أن ينشئوا شجرها وإنما الله تعالى أنشأها من الشجر الأخضر فإذا هي نار توقد بقدر حاجة العباد فإذا فرغوا من حاجتهم أطفأوها وأخمدوها نحن جعلناها تذكرة للعباد بنعمة ربهم وتذكرة بنار جهنم التي أعدها الله للعاصين وجعلها سوطا يسوق به عباده إلى دار النعيم ومتاعا للمقوين أي المنتفعين أو المسافرين وخص الله المسافرين لأن نفع المسافر بذلك أعظم من غيره ولعل السبب في ذلك لأن الدنيا كلها دار سفر والعبد من حين ولد فهو مسافر إلى ربه فهذه النار جعلها الله متاعا للمسافرين في هذه الدار وتذكرة لهم بدار القرار فلما بين من نعمه ما يوجب الثناء عليه من عباده وشكره وعبادته أمر بتسبيحه وتحميده فقال فسبح باسم ربك العظيم أي نزه ربك العظيم كامل الأسماء والصفات كثير الإحسان والخيرات واحمده بقلبك ولسانك وجوارحك لأنه أهل لذلك وهو المستحق لأن يشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى ويطاع فلا يعصى. Il dit, rahimahullah, en expliquant les versets 71 à 74. Et ceci est un bienfait qui entre dans les choses essentielles dont les créatures ne peuvent se passer. Les gens en ont besoin dans la majeure partie de leur situation. Allah Azza wa Jal a fait reconnaître à ses serviteurs le bienfait du feu. Qu'Allah Azza wa Jal a créé et a permis d'exister par les arbres, et que les créatures n'ont pas la possibilité et la capacité de créer des arbres, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui crée ce feu de l'arbre, c'est-à-dire du bois qui est brûlé. Et c'est alors que c'est un feu qui est allumé selon le besoin de ses serviteurs. Et lorsque ce besoin est atteint, alors ils éteignent ce feu. نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً. Nous en avons fait un rappel. De quoi? Du feu. Allah a fait du feu un rappel. Allah a fait du feu un rappel pour ses serviteurs. Il leur a fait un rappel tout d'abord. Il a fait du feu un rappel tout d'abord pour rappeler à ses serviteurs que le feu est un bienfait d'Allah sur eux et pour les rappeler également du feu de l'enfer qu'Allah Azza wa Jal a préparé pour les désobéissants. Un feu de l'enfer qu'Allah a fait comme un fouet par lequel il dirige ses serviteurs vers la demeure des délices. Car le feu est également une C'est un châtiment qu'Allah Azzawajal prépare pour ceux qui lui désobéissent, mais c'est également une menace. Une menace, et cette menace fait en sorte que les croyants se dirigent vers où ? Vers le paradis et vers la demeure du paradis, qu'Allah Azzawajal nous y fasse tous entrer. وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ. Et Allah en a fait un élément utile pour ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire ceux qui en profitent ou les voyageurs. Donc ici, il y a deux explications. Soit ceux qui en profitent ou les voyageurs. Et ici, Cheikh Saadi, rahimahullah, tend plus vers le sens de voyageurs. Et il dit, rahimahullah, et Allah Azzawajal a spécifié les voyageurs, car les voyageurs ont plus besoin du feu que les résidents. Et il est possible que la cause est également que cette vie d'ici-bas est une demeure de voyage, et que le serviteur, du moment où il naît, eh bien, à partir du moment où il naît, il est voyageur vers son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ainsi, ce feu, Allah Azzawajal en a fait un élément utile pour les voyageurs dans cette vie d'ici-bas. Allah Azzawajal en a fait un rappel, en a fait du feu, une chose qui fait rappeler la demeure éternelle. Après qu'Allah Azzawajal ait montré ses bienfaits, qui doivent être suivis d'éloges de la part de ses serviteurs envers lui, subhanahu wa ta'ala, des bienfaits qui doivent être suivis de reconnaissance, Allah Azzawajal ordonne de faire le tasbih, c'est-à-dire de l'exempter de tout défaut et d'être reconnaissant envers lui. فَقَالَ فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. Proclame le nom de ton Seigneur l'immense, ou glorifie le nom par le nom de ton Seigneur l'immense, c'est-à-dire exempte ton Seigneur l'immense de tout défaut, celui qui a les noms les plus beaux et les attributs les plus parfaits, celui qui est bienfaisant envers ses serviteurs et leur accorde des biens innombrables. Remercie-le par ton cœur, par ta langue et par les membres de ton cœur, de ton corps, car c'est lui qui mérite cela. Puis il dit, rahimahullah, et Allah Azzawajal mérite d'être, que l'on soit envers lui reconnaissant et de ne pas faire preuve d'ingratitude envers lui. Allah Azzawajal est celui qui doit être évoqué et non pas oublié, celui qui doit être obéi et non pas désobéi. Thumma qala ta'ala, فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. Donc Allah Azza wa Jal dit dans les versets 75 à 87 de Sourate Al-Waqi'ah: non, je jure par les positions des étoiles, et c'est vraiment un serment solennel si vous saviez, et c'est certainement un Coran noble dans un livre bien gardé que seuls les purifiés touchent. C'est une révélation de la part du Seigneur des mondes. Est-ce ce discours-là que vous traitiez de mensonge? Et est-ce pour vous une façon d'être reconnaissant pour votre subsistance que de traiter le Coran de mensonge? lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge, et qu'à ce moment-là, vous regardez, et que nous sommes plus proches de lui que vous qui l'entourez, mais vous ne le voyez pas. Pourquoi donc, si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre, ne la faites-vous pas revenir, c'est-à-dire cette âme, si vous êtes véridique ? قال الشيخ السعدي رحمه الله أقسم تعالى بالنجوم ومواقعها أي مساقطها في مغاربها وما يحدث الله في تلك الأوقات من الحوادث الدالة على عظمته وكبريائه وتوحيده ثم عظم هذا المقسم به فقال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنما كان القسم عظيما لأن في النجوم وجريانها وسقوطها عند مغاربها آيات وعبرا لا يمكن حصرها وأما المقسم عليه فهو إثبات القرآن وأنه حق لا ريب فيه ولا شك يعتريه وأنه كريم أي كثير الخير غزير العلم فكل خير وعلم فإنما يستفاد من كتاب الله ويستنبط منه في كتاب مكنون أي مستور على أعين الخلق وهذا الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ أي إن هذا القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ معظم عند الله وعند ملائكته وفي الملأ الأعلى ويحتمل أن المراد بالكتاب المكنون هو الكتاب الذي بأيدي الملائكة الذين ينزلهم الله بوحيه وتنزيله وأن المراد بذلك أنه مستور عن الشياطين لا قدرة لهم على تغييره ولا الزيادة ولا النقص منه واستراقه لا يمسه إلا المطهرون أي لا يمس القرآن إلا الملائكة الكرام الذين طهرهم الله تعالى من الآفات والذنوب والعيوب وإذا كان لا يمسه إلا المطهرون وأن أهل الخبث والشياطين لا استطاعة لهم ولا يدان إلى مسه دلت الآية بتنبيهها على أنه لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر كما ورد بذلك الحديث ولهذا قيل أن الآية خبر بمعنى النهي أي لا يمس القرآن إلا طاهر تنزيل من رب العالمين أي إن هذا القرآن الموصوف بتلك الصفات الجليلة هو تنزيل رب العالمين الذي يربي عباده بنعمه الدينية والدنيوية ومن أجل تربية ربى بها عباده إنزاله هذا القرآن الذي قد اشتمل على مصالح الدارين ورحم الله به العباد رحمة لا يقدرون لها شكورا ومما يجب عليهم أن يقوموا به ويعلنوه ويدعوا إليه ويصدعوا به Donc il dit, rahimahullah ta'ala, qu'Allah Azza wa Jal a juré par les étoiles et leur position, c'est-à-dire lorsqu'elles disparaissent à l'ouest. Car vous savez que les étoiles, dans le ciel, elles montent et elles descendent. De la même façon que le soleil se lève et se couche, de la même façon que la lune se lève et se couche, de la même façon les étoiles se lèvent et se couchent. Donc ici, Allah Azza wa Jal a juré par les étoiles et leur positionnement, c'est-à-dire lorsqu'elles se couchent à l'ouest. Et ce qu'Allah Azza wa Jal créé comme événements à ce moment-là. Des événements qui prouvent l'immensité d'Allah Azza wa Jal et son unicité. Puis Allah Azza wa Jal a donné une immense importance à ce par quoi il a juré. Et ce par quoi il a juré, ce sont les étoiles. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. Et c'est vraiment un serment solennel si vous saviez. Et ceci montre l'importance des étoiles. Le serment est solennel car Allah Azza wa Jalla a juré par les étoiles et leur positionnement et par le moment où elles se couchent, car il y a à ce moment-là des signes qui ne peuvent être énumérés. Wa amma al-muqsamu alayhi, quant à ce pourquoi Allah a juré, à savoir le Coran. Allah a juré par les étoiles pour affirmer le Coran et que le Coran est une vérité, qu'il n'y a aucun doute à son sujet. Et que le Coran est un livre noble, karim, c'est-à-dire un livre qui comporte énormément de bien et un livre qui contient une science infuse. Ainsi, tout bien et toute science est déduite du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et peut être tirée du livre d'Allah. Fi kitabim maknoun, ce Coran est dans un livre bien gardé, c'est-à-dire qui est caché du regard des créatures. Et ce livre bien gardé, ce sont al-lawhul mahfouz, les planches préservées. C'est-à-dire que ce Coran est écrit dans cette planche préservée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, auprès de ses anges et des habitants des cieux. Et il est possible que le sens de livre préservé ou de livre bien gardé, c'est le livre qu'il y a entre les mains des anges qu'Allah Azza wa Jal fait descendre pour révéler, pour transmettre sa révélation. Et que le sens, si ce qui est voulu, c'est ce livre qu'il y a entre les mains des anges, si c'est ce deuxième sens, alors le sens de bien garder, c'est-à-dire que ce livre est gardé et protégé contre les diables. Les diables n'ont aucun pouvoir de le falsifier, ni d'y ajouter quoi que ce soit, ni d'y retirer quoi que ce soit, ni de pouvoir écouter son contenu discrètement. « La yamassuhu illa al-mutahharun » ne le touche que les purifiés. C'est-à-dire que ne touche ce Coran que les anges nobles, ceux qu'Allah Azza wa Jal a purifiés de tout mal, de tout péché, de tout défaut. Et si ce livre ne peut être touché que par les purifiés et que les gens mauvais ainsi que les diables n'ont pas la possibilité de l'atteindre ni de le toucher, ce verset fait donc référence et nous montre implicitement qu'il est interdit de toucher le Coran, qu'il est interdit de toucher le Coran sauf si la personne est purifiée, c'est-à-dire en état de purification. Comme cela est rapporté dans le hadith, et c'est pour cela qu'il a été dit que ce verset est une information, mais dont le sens est une interdiction. Allah Azza wa Jalla parle de ce Coran, dans ce livre bien gardé, que ne touchent que les purifiés. Ici, c'est une information. Allah Azza wa Jalla nous informe qu'il y a un livre bien gardé qui n'est touché que par les purifiés. Et Cheikh Saadi dit, pour cela qu'il a été dit que ce verset est une information, mais qui a le sens d'interdiction. C'est-à-dire que ne touche ce Coran que les purifiés. Tanzilum min Rabbil Alamin. C'est une révélation de la part du Seigneur des mondes. C'est-à-dire que ce Coran, qui est caractérisé par ses qualificatifs qu'Allah Azza wa Jal a cités, ses nobles qualificatifs, est une révélation du Seigneur des mondes. Allah Azza wa Jal qui éduque et prend en charge ses serviteurs à travers des bienfaits religieux et mondains. Et parmi les plus nobles bienfaits dont Allah Azzawajal comble ses serviteurs, le fait de leur avoir révélé ce Coran. Ce Coran qui comporte les bienfaits des deux demeures, la demeure d'ici-bas et celle de l'au-delà. Et Allah Azzawajal, à travers ce Coran, a fait miséricorde à ses serviteurs, une miséricorde telle qu'ils ne peuvent être reconnaissants envers Allah Azzawajal comme il se doit. Et le devoir de ses serviteurs est de mettre en pratique ce Coran, de l'exposer, d'appeler à celui-ci et de le crier fort. ما قال الشيخ السعدي ولهذا قال أفبهذا الحديث أنتم مدهنون أي أفبهذا الكتاب العظيم والذكر الحكيم أنتم تدهنون أي تختفون وتدلسون خوفا من الخلق وعارهم وألسنتهم هذا لا ينبغي ولا يليق إنما يليق أن يداهن بالحديث الذي لا يثق صاحبه منه وأما القرآن الكريم فهو الحق الذي لا يغالب به مغالب إلا غلب ولا يصول به صائل إلا كان العالي على غيره وهو الذي لا يداهن به ولا يختفى بل يصدع به ويعلن وقوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي تجعلون مقابلة منة الله عليكم بالرزق التكذيب والكفر لنعمة الله فتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وتضيفون النعمة لغير مسديها وموليها فهل شكرتم الله تعالى على إحسانه إذ أنزله الله إليكم ليزيدكم من فضله فإن التكذيب والكفر داع لرفع النعم وحلول النقم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون أي فهلا إذا بلغت الروح الحلقوم وأنتم تنظرون المحتضر في هذه الحالة والحال أن نحن أقرب إليه منكم بعلمنا وملائكتنا ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين أي فهلا إذا كنتم تزعمون أنكم غير مبعوثين ولا محاسبين ولا ومجازين ترجعون الروح إلى بدنها إن كنتم صادقين وأنتم تقرون أنكم عاجزون عن ردها إلى موضعها فحينئذ إما أن تقروا بالحق الذي جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم وإما أن تعاندوا وتعلم حالكم وسوء مآلكم. Puis, Cheikh Saadi, rahimahullah ta'ala, après avoir cité que le Coran est un bienfait immense d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que de ce fait, les serviteurs devaient le mettre en pratique, devaient appeler à celui-ci, devaient le proclamer haut et fort. Pour cela qu'Allah azzawajal dit, أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ Est-ce ce discours-là que vous cachez? Certains savants ont dit que mudhinun ici, c'est-à-dire que vous traitez de mensonge. Est-ce ce discours-là que vous traitez de mensonge? Et d'autres ont dit que c'est est-ce ce discours-là que vous cachez? Et c'est ce deuxième avis vers lequel tend Cheikh Saadi rahimahullah. Il dit, c'est-à-dire, est-ce de ce livre immense et de ce rappel sage dont vous vous cachez, c'est-à-dire que vous cachez de peur des créatures et de leurs critiques et de leur langue, cela n'est pas adéquat et il n'appartient pas de faire cela concernant le Coran. car l'on cache des paroles envers lesquelles l'on n'a pas confiance. Quant au Coran, c'est la parole, c'est la vérité. Celui qui veut la vaincre sera vaincu. Une vérité, celui qui veut avoir le dessus sur lui, le Coran sera au-dessus de lui. Et ce Coran ne doit pas être caché. Au contraire, l'on doit le proclamer haut et fort. وقوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. Est-ce pour vous une façon d'être reconnaissant pour votre subsistance que de traiter, c'est-à-dire le Coran, de mensonge? C'est-à-dire, pourquoi répondez-vous au bienfait d'Allah Azzawajal lorsqu'il vous donne la pourvoyance en traitant de mensonge et en étant ingrat envers ses bienfaits et en disant, par exemple, « Mutirna binaw'i kaza wa kaza » La nuit, la pluie est tombée grâce à telle et telle étoile. Et lorsque vous associez un bienfait à autre que celui qui vous l'a accordé. Soyez donc reconnaissant envers Allah selon les bienfaits dont il vous a comblé. Lorsqu'il a descendu pour vous ce Coran afin d'augmenter vos mérites et le fait de traiter de mensonge et de ne pas croire en ce Coran lèvera les bienfaits dont vous jouissez et ils seront remplacés par un châtiment de la part d'Allah Azzawajal. Puis Allah Azzawajal a dit, lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge et qu'à ce moment-là vous regardez et que nous sommes plus proches de lui que vous qui l'entourez, mais vous ne le voyez pas. C'est-à-dire, lorsque l'âme atteint la gorge et lorsque vous regardez l'agonisant dans cet état, et la situation est que nous sommes plus proches de lui que vous. Nous sommes plus proches de lui par notre science et par nos anges, mais vous ne voyez pas. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. Pourquoi donc, si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre, c'est-à-dire, si vous pensez que vous ne serez pas ressuscité et que vous ne serez pas jugé ni rétribué selon vos actions, alors faites revenir cette âme dans le corps. إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Si vous êtes véridique. Bien sûr, vous attestez que vous êtes incapable de rendre cette âme à sa place et de remettre cette âme à sa place. Ainsi, soit vous attestez et vous reconnaissez la vérité par laquelle ou avec laquelle est venu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou soit alors vous persistez et ainsi votre situation sera claire et votre destination sera mauvaise. ثم قال تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Allah Azza wa Jal dit dans les versets 88 à 96 de Sourate Al-Waqi'ah: si celui-ci est du nombre des muqarrabin, des rapprochés d'Allah, si celui-ci, en parlant de qui? De l'agonisant. Si celui-ci est du nombre des rapprochés d'Allah, alors il aura du repos, de la grâce et un jardin de délices. Et s'il est du nombre des gens de la droite, il sera, c'est-à-dire accueilli par ces mots, « Salam, paix à toi » de la part des gens de la droite. Et s'il est de ceux qui avaient traité de mensonge la résurrection et s'étaient égarés, alors il sera installé dans une eau bouillante et il brûlera dans la fournaise. C'est cela la pleine certitude. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le Très Grand. قال الشيخ السعدي رحمه الله ذكر تعالى أحوال الطوائف الثلاث المقربين وأصحاب اليمين والمكذبين الضالين في أول السورة في دار القرار ثم ذكر أحوالهم في آخرها عند الاحتضار والموت فقال فأما إن كان الميت من المقربين وهم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات فلهم روح أي راحة وطمأنينة وسرور وبهجة ونعيم القلب والروح وريحان وهو اسم جامع لكل لذة بدنية من أنواع المآكل والمشارب وغيرهما وقيل الريحان هو الطيب المعروف فيكون تعبيرا بنوع الشيء عن جنسه العام وجنة نعيم جامعة للأمرين كليهما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيبشر المقربون عند الاحتضار بهذه البشارة التي تكاد تطير منها الأرواح من الفرح والسرور كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقد أول قوله تبارك وتعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة أن هذه البشارة المذكورة هي البشرى في الحياة الدنيا. إن جي رحمه الله الله سبحانه وتعالى a cité dans ce verset la situation des trois groupes, les rapprochés, c'est-à-dire d'Allah Azza wa Jal, les gens de la droite et ceux qui ont traité de mensonges les égarés. Allah Azza wa Jal a cité ces trois catégories dans le début de cette sourate. Donc Allah Azza wa Jal, dans le début de sourate Al-Waqi'a, a cité les gens de la droite, les gens de la gauche et les rapprochés. Puis Allah Azza wa Jal les cite aussi dans la fin de cette sourate. Et dans la fin de la sourate, Allah Azza wa Jal parle tout d'abord de Al-Muqarraboun. Allah Azza wa Jal cite la situation de ces trois catégories de personnes à la fin de cette sourate, au moment de l'agonie et de la mort. Lorsqu'il dit « Fa'amma in kana » et s'il fait partie, c'est-à-dire le défunt ou celui qui est en train de mourir. « In kana min al-muqarrabin » s'il fait partie des rapprochés, c'est-à-dire des rapprochés d'Allah. Et Cheikh Saadi dit, les rapprochés d'Allah, ce sont ceux qui ont accompli les obligations et les choses recommandées, ceux qui ont délaissé à la fois les interdits et les choses détestables, et ceux qui ont délaissé les choses autorisées futiles. Qu'il y a des choses qui sont autorisés, mais qui sont futiles. C'est-à-dire qu'en les faisant, tu n'as aucun péché et aucune bonne action. Et cela, les rapprochés d'Allah font donc plus que le minimum qu'il leur est demandé. Ils délaissent les interdits et les choses détestables. Ils font les obligations et les choses surérogatoire. Et il délaisse en plus les choses futiles qui sont autorisées. Farawhun, à eux le repos, c'est-à-dire la quiétude, le repos, la joie, le bonheur du cœur et de l'âme. Wa rayhan, de la grâce. Et rayhan, Cheikh Saadi dit, c'est un nom général qui signifie l'ensemble des désirs et des délices du corps humain. Que ce soit les différentes formes de nourriture, de boisson et autres. Et il est dit, Ar-Rayhan, c'est également ce parfum connu. Ainsi, Allah Azza wa Jalla a cité, si le sens est Rayhan, c'est donc une chose qui est citée pour vouloir dire le genre. Autrement dit, si c'est le parfum qu'Allah Azza wa Jalla a cité, le but est tout ce qui procure délices et plaisirs au corps humain. Wa jannatu na'im, et un jardin de délices. Un jardin de délices qui englobe les deux choses précédemment citées, à savoir le repos et Rayhan, et la grâce. Car il y a dans les jardins de délices ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu, et ce que nul cœur humain n'a ressenti. Ainsi Allah Azza wa Jal annonce cette bonne nouvelle aux rapprochés d'Allah au moment de leur mort, au moment de leur agonie. Et cette bonne nouvelle fait presque envoler leurs âmes de joie et de bonheur. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans Sourate Fussilat, les versets 30 à 32, ceux qui ont dit « Notre Seigneur est Allah », puis font preuve de droiture, les anges descendent sur eux, c'est-à-dire au moment de leur mort. « Allah takhafu wa la tahzanu » N'ayez pas peur et ne vous attristez pas. Et souvent on dit « n'ayez pas peur », c'est-à-dire de ce que vous laissez derrière vous, comme famille, comme enfant, comme bien, etc. « Wa la tahzanu » Et ne vous attristez pas, c'est-à-dire de ce que vous allez connaître, de ce que vous allez rencontrer, c'est-à-dire dans la vie de l'au-delà. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ Et nous vous annonçons la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ Nous sommes vos alliés dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ Et vous y aurez là-bas tout ce que votre âme désire. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ Et vous y aurez là-bas tout ce qui vous a été promis. نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ Un lieu d'accueil de la part d'un très grand pardonneur, d'un très grand miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. De même que le verset 64 de Sourate Yunus, Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah, à eux la bonne nouvelle dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, que cette bonne nouvelle qui est citée, c'est la bonne nouvelle dans cette vie d'ici-bas, c'est-à-dire au moment où ils agonisent et ce sont les anges qui viennent leur annoncer cette bonne nouvelle. Donc cela concerne Al-Muqarrabun. ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله وقوله وأما إن كان من أصحاب اليمين وهم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات وإن حصل منهم التقصير في بعض الحقوق التي لا تخل بتوحيدهم وإيمانهم فيقال لأحدهم سلام لك من أصحاب اليمين أي سلام حاصل لك من إخوانك أصحاب اليمين أي يسلمون عليه ويحيونه عند وصوله إليهم ولقائهم له أو يقال له سلام لك من الآفات والبليات والعذاب لأنك من أصحاب اليمين الذين سلموا من الذنوب والموبقات. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, وأما إن كان من أصحاب اليمين. Et s'il fait partie des gens de la droite. Le Cheikh Saadi dit, c'est-à-dire ceux qui ont accompli les obligations, qui ont délaissé les interdits, même si a émané d'eux des manquements dans certains devoirs qui ne remettent pas en cause ni leur unicité d'Allah Azza wa Jal, ni leur foi. À eux, il sera dit salamun laka min ashab, il sera dit à l'un d'entre eux salamun laka min ashab il yamin. Il sera accueilli par ces mots paix à toi de la part des gens de la droite. C'est-à-dire que ce salam proviendra de tes frères parmi les gens de la droite. C'est-à-dire qu'ils le salueront et l'accueilleront lorsqu'il les rejoindra et lorsqu'il les rencontrera. Donc ici, il y a deux explications. Soit cet homme qui fait partie des gens de la droite, lorsqu'il ira au paradis, il sera accueilli par la parole « Salam ». « Paix à toi ». Cette parole sera dite par les gens de la droite qui seront déjà en place au paradis. Ainsi, ils le salueront lorsqu'il les rencontrera. Et le deuxième sens, c'est il sera dit à cette personne qui fait partie des gens de la droite que tu es épargné, que tu es sauvé de tout mal et de tout châtiment, car tu fais partie des gens de la droite, ceux qui se sont préservés des péchés et de leurs conséquences. Ceux qui se sont, afouan, préservés des grands péchés. ثم قال الشيخ السعدي وأما إن كان من المكذبين الضالين أي الذين كذبوا بالحق وضلوا عن الهدى فنزل من حميم وتصلية جحيم أي ضيافتهم يوم قدومهم على ربهم تصلية الجحيم التي تحيط بهم وتصل إلى أفئدتهم وإذا استغاثوا من شدة العطش والظمأ يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن هذا الذي ذكره تعالى من جزاء العباد بأعمالهم خيرها وشرها وتفاصيل ذلك لهو حق اليقين أي الذي لا شك فيه ولا مريه بل هو الحق الثابت الذي لا بد من وقوعه وقد أشهد الله عباده الأدلة القواطع على ذلك حتى صار عند أولي الألباب كأنهم ذائقون له مشاهدون له فحمدوا الله تعالى على ما خصهم به من هذه النعمة العظيمة والمنحة الجسيمة ولهذا قال تعالى فسبح باسم ربك العظيم فسبحان ربنا العظيم وتعالى وتنزه عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه تم تفسير سورة الواقعة. Puis Cheikh Saadi dit, en expliquant la parole d'Allah Azza wa Jal selon le sens, ceux qui, par contre, s'ils faisaient partie de ceux qui avaient traité de mensonges et s'étaient égarés. C'est-à-dire ceux qui ont traité de mensonge la vérité et se sont égarés du droit chemin. Il sera installé dans une eau bouillante et brûlera dans la fournaise. فَنُزُلُمْ مِنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ. C'est-à-dire que leur accueil ce jour-là, leur accueil le jour où ils seront présentés à leur Seigneur subhanahu wa ta'ala sera le feu de la fournaise qui les entourera et qui pénétrera à l'intérieur d'eux. Et lorsqu'ils demanderont secours et lorsqu'ils demanderont à être abreuvés car ils seront pris d'une immense soif, comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans Sourate Al-Kahf, le verset 29, on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu, brûlant. comme du métal fondu, brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. Inna hadha, ceci, c'est-à-dire ce qu'Allah Azza wa Jal a cité comme rétribution de ses serviteurs selon leurs actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et les détails de cela, lahu haqqul yaqin, c'est la pleine certitude. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute à ce sujet, que c'est la vérité éclatante qui va inéluctablement avoir lieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala a montré à ses serviteurs les preuves évidentes de cela, au point que chez ceux qui sont doués d'intelligence, eh bien cela est tellement vrai qu'ils goûtent presque cela et qu'ils le voient presque de leurs propres yeux. Ainsi, ils remercient Allah Azza wa Jal de les avoir comblés de ses bienfaits immenses. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit « Fasabbih bismi rabbika al-azim » Glorifie donc le nom de ton Seigneur l'immense. Qu'Allah soit donc glorifié et qu'il soit exempté subhanahu wa ta'ala de tout ce que disent les injustes à son sujet. La louange appartient au Seigneur des mondes. Ainsi se termine le tafsir de sourate Al-Waqi'ah. Walhamdulillah.